11. Une énigme dans la lettre. Picaouette. Chut, je lis. Cher Flagadel. Ah, c'est toi ça, Flagadel. Flagadel. Oui, merci Picaouette, je connais mon nom. Continue. Picaouette. Cher Trompette. Tiens, là, c'est toi, Trompette. Trompette. Demain, on y est encore, je crois, à cette allure. Vas-y, lis. Picaouette. Et cher Picaouette. Ah, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Picaouette, c'est moi. Flagadel, je vais poursuivre la lecture. Donne-moi le mot, Trompette. Picaouette. Non, non, c'est moi qui lis. Vas-y, lis, tu m'as dit. Je continue. Écoutez. Vous allez être surpris par cette nouvelle, mais je suis le Père Noël. C'est le Père Noël qui nous écrit. Youpi, on a une lettre du Père Noël. Trompette. Continue, Picaouette. Picaouette. Oui, oui, ça va, j'y vais. C'est pas tous les jours que le Père Noël m'écrit une lettre. Je fais durer le plaisir. Flagadel, s'il te plaît, mon Pika, continue. Picaouette, je continue ma Flaga. Là, là, là, là, là, là, je suis le Père Noël. J'ai beaucoup de soucis parce que mon petit reine Rudolphe refuse de conduire mon traîneau pour la nuit de Noël. Trompette, le Père Noël a un reine qui s'appelle Rudolphe. Flagadel, chut, Trompette. Picaouette. Oui, si vous me coupez sans cesse, on ne va pas s'en sortir. Donc, la la la la la la Rudolphe, la la la refuse, la la la traîneau, la la la nuit de Noël. Il a été enlevé un soir par des lutins farceurs qui l'ont perdu dans la forêt. Il a passé une nuit entière tout seul dans la neige, et lorsqu'on l'a retrouvé au petit matin, il était congelé comme une glace Yeti. Nous l'avons soigné pendant 2 jours, et aujourd'hui il est guéri, mais, Trompette, s'il est guéri, tout va bien. Flagadel, chute, Trompette. Picaouette. Aujourd'hui, il est guéri, sauf que son nez est resté tout rouge comme une énorme tomate rouge. Il a peur que l'on se moque de lui, alors il refuse de sortir. Je ne sais plus quoi faire, je ne peux pas distribuer mes cadeaux sans mon Rudolphe. Alors je m'en remets à vous, peut-être saurez-vous trouver la solution. Merci mes amis, signé le Père Noël. Trompette. Waouh, on est les amis du Père Noël. Picaouette. Attendez, c'est pas fini. Spot Christum Mystère. 8 lettres mélangées endormiront AP pour réveiller PN. Cette fois c'est fini, j'ai tout lu. Flagadel. Trompette, j'ai une mission pour toi. Va chercher Rudolphe. Trompette. Mais enfin, où veux-tu que je trouve Rudolphe? Je ne suis pas chez moi ici. Je ne sais pas où sont logées les reines. Picaouette. Attendez. Un renne, vous dites? Avec un nez rouge, vous dites? Oh là là! Je crois que ça me dit vaguement quelque chose. Flagadel. Comme dans un rêve que tu n'aurais pas encore fait? Picaouette. J'ai croisé ce renne récemment. Flagadel. Enfin, Picaouette, tu es resté enfermé dans la malle pendant tout le voyage. Où crois-tu avoir vu un renne au nez rouge? Picaouette. Tout au fond de la malle. Trompette. N'importe quoi, toi. Picaouette. N'importe quoi, moi? Je te dis qu'il est au fond de la malle. Je reviens, je vais le chercher. Picaouette plonge au fond de la malle comme dans une piscine. Au bout de quelques secondes, l'on entend sa voix qui vient des profondeurs. Picaouette. C'est bon, refermez le couvercle. Trompette, il est fou. Il veut retourner dans la malle. Flagadel. Trompette, tu sais que nous venons du pays des miracles? Trompette, oui, je le sais. Flagadel. Alors, avec un ver de terre du pays des miracles dans le village du Père Noël, on peut s'attendre à tout, même à un miracle. Trompette, je te crois, Flagadel, mais un renne au nez rouge au fond d'une malle, je n'y crois pas. Trompette referme le couvercle de la malle. Flagadel. Demandons aux enfants. À ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent. Pensez-vous que Rudolphe, le petit renne au nez rouge, est actuellement au fond de la malle avec Picaouette? Croyez-vous à la magie de Noël? N'oublions pas que pendant les fêtes de Noël, il peut se passer des choses incroyables. Trompette. Même un petit renne au nez rouge caché au fond d'une malle avec un drôle de ver de terre tout vert qui parle? Flagadel. Picaouette est déjà un miracle à lui tout seul. Appelons-le, nous verrons bien. Picaouette, Picaouette, Picaouette.